Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire de la baignade. Les Japonais ont de tout temps admis et pratiqué la nudité collective au bain public, en toute simplicité, et même la nudité mixte. Et ils parlent de ce paradoxe bien japonais au bain, où la nudité en public est aussi permise et naturelle qu'elle serait indécente ailleurs. On y est supposé regarder, mais ne pas voir. Les us et coutumes entourant la pratique de la baignade vont varier considérablement en fonction de l'époque et de la géographie. Et si les Japonais pratiquent la baignade collective nue en toute simplicité, comme nous le disait Normand Cazelet dans cet extrait de l'émission L'Aventure en 1989, dans d'autres sociétés, le simple fait de fréquenter une plage sera considéré comme moralement discutable. Souvenez-vous, à titre d'exemple, du Québec des années 30. Je vois d'abord une petite fille aux cheveux châtains. Elle a des tresses. Elle doit avoir peut-être une dizaine d'années. Elle sort de l'eau. Elle est toute mouillée. Et enfin, veux-tu venir ici? Approche-toi. Comment t'appelles-tu? Nicole Gratton, monsieur. Tu n'as pas froid comme ça en sortant de l'eau? Non. Est-ce que ça t'amuse de venir à la campagne? Beaucoup, monsieur. Pourquoi est-ce que ça t'amuse de venir à la campagne? Parce que nous pouvons se baigner, nous pouvons jouer. Nous sommes au grand soleil. Est-ce que ta maman t'a accompagnée ou si tu es seule? Oui, elle est sur la roche là-bas. Éloigne-toi pas, la pierre! Bonjour, Madame Gratton. C'est votre petite fille que j'ai eu le plaisir d'interviewer tout à l'heure. En effet, c'est ma petite fille. Bon. Alors, est-ce que vous allez vous baigner, vous aussi? Ah oui, très souvent même. Est-ce que vous passez l'été à la campagne? Ah, tout l'été, monsieur. Je vois qu'il y a un petit garçon qui est à côté de vous. J'ai l'impression que ça doit être encore un de vos enfants. Oui, en effet, parce que vous avez nombreux enfants. Hein? Vous en avez combien d'enfants? Trois, monsieur, trois. Bon, comment t'appelles-tu? André Gratton, monsieur. Je t'appelle André Gratton. Oui. Bon, alors, est-ce que tu aimes ça venir à la campagne? Tu aimes ça venir te baigner comme ça, t'amuser avec tes petits camarades? Est-ce que tu sais nager? Ah oui. Oui? Oui. Et qu'est-ce que tu nages? Le crawl, la brasse? Montre-moi un peu. Bon, eh bien, chers auditeurs, je crois que c'est la brasse qui est la façon préférée de nager de notre jeune ami Gratton. Petit aperçu d'une journée à la plage dans ce reportage d'Adrien Plouffe diffusé à l'émission Carrefour en 1955. Pour faire l'histoire de la baignade, l'historien de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Laurent Turcot. Laurent, bonjour. Bonjour. Quand ça commence, la baignade, dans le monde, là, quand est-ce qu'on peut parler du début de la baignade? Ben, la baignade, en fait, existe depuis que l'homme est homme, pourrait-on dire, mais les premières traces véritables se déroulent en Mésopotamie. Plus encore, parce qu'il y a une civilisation qui va naître sur l'Antiquité qu'on pourrait appeler civilisation de l'eau. Et c'est bien sûr la Rome antique. On sait à quel point les aqueducs ont été fondamentaux dans le développement de Rome, mais aussi de toutes les petites Roms, que ce soit Lutèce, que ce soit Massilia, Marseille, que ce soit... Bref, toutes les villes dans le pourtour de la Méditerranée vont avoir des installations avec de l'eau. Les thermes aussi. On pense que dans les thermes, on vient simplement profiter de la chaleur. Pas du tout. Il y a aussi des piscines à l'intérieur des thermes romains. On peut se baigner dans l'Adriatique. On pratique la brasse, le crawl, mais simplement pour le plaisir. On n'est pas encore dans la natation athlétique, pourrait-on dire, qui va naître ici au 19e siècle. Ça va se poursuivre parce qu'on s'entend que la Rome tombant, le Moyen-Âge lui succède. Et le Moyen-Âge se caractérise par cette chape de plomb qui tombe sur les corps. C'est-à-dire le christianisme qui dit les ébats sexuels, c'est-à-dire quand on se dénude pour aller se baigner, sont mal vus. Mm-hmm. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pas se baigner. Les paysans, après les travaux des champs, quand ils voient une rivière qui coule non loin, se dévêtent et vont ensuite se baigner pour se refroidir un peu. Mais la peur de l'eau, parce qu'on a souvent dit que dans les temps anciens, les gens ne se lavaient pas, ils avaient peur de l'eau. Cette peur de l'eau va naître à la Renaissance. Ah bon? Parce qu'on croit que la peau va ouvrir les pores quand elle est baignée dans l'eau et que les mauvaises humeurs vont la pénétrer. Ouais. Donc, les médecins vont dire, si vous avez à vous laver, faites-le avec un linge où on se frictionne les mains et le visage. Donc, on a peur de l'eau. Et paradoxalement, au 18e siècle, ce qui revient, c'est encore la médecine. Mais là, on va dire, ben écoutez, il y a peut-être une fonction utile. À l'époque, ce sont les fibres. On pense que le corps est fait d'un ensemble de fibres, de milliers de fibres, qui se contractent et se laissent aller tranquillement, et que l'eau va avoir une action qui va permettre de contraindre les fibres, donc de permettre la guérison de certaines maladies. Et ça, ça va être important pour le développement de la baignade, des stations balnéaires, cette espèce de feu vert, quand la science, quand la médecine va dire « allez-y sans crainte, c'est même bénéfique ». Là, il y a, parallèlement à ça, le début du développement de certaines stations balnéaires. Là. Tout à fait, et plus encore, on a l'impression, là, on voit les plages de la Côte d'Azur, pas du tout. Les premières plages qui sont développées, c'est en Angleterre, parce que c'est l'eau froide. L'eau froide a une fonction utile. Et la manière de se baigner, il faut quand même se le représenter. Imaginez justement ces gens qui sont une espèce de robe de soirée, mais qui sont des maillots. On vous les embarque dans un wagon qui est tiré par un cheval, et on retourne le wagon qui recule tranquillement avec les gens qui sont assis, et là, par immersion des corps qui ne bougent pas, et on s'entend que l'eau de la Manche, pour ceux qui l'ont déjà testé, est assez saisissante, pour ne pas dire très froide. Donc, cette action de saisissement corporel va provoquer la guérison de certaines maladies. Donc, on est loin des plaisirs et des ébats tels qu'on les a connus sous la Rome antique. Mais chose sûre, la Rome a inspiré et revient dans ces corps qui s'immergent de plus en plus. Certains vont le faire dans des wagons, d'autres vont dire, ben écoutez, je peux nager tout seul, je peux le faire. Entendons-nous que ça reste quand même une minorité, parce que durant toute l'époque moderne, du 16e jusqu'au 18e siècle, même les marins qui traversaient l'Atlantique ne savaient pas nager. Ouais. C'est le fait d'une élite que de savoir nager. Et ce sera la même chose de ce côté-ci de l'Atlantique pour nous permettre de glisser doucement vers le Québec, vers le Canada. Un extrait de l'historien Donald Gay à l'émission « Été d'autrefois » en 1988. Puis il nous parle justement du fait qu'à l'époque, on ne sait pas nager. D'abord, il faut vous dire que l'été, dans une société rurale où l'agriculture est le principal facteur de développement, les gens sont occupés. Mais il y a quand même des villes, des milieux un peu plus urbanisés, et aussi les jeunes. Et l'eau cause de gros problèmes à la population, parce que d'abord, on ne la maîtrise pas. On la maîtrise en embarcation. Mais les Français qui sont venus, d'ailleurs, en Nouvelle-France, ne savaient pas nager. Et on le sait, là, par les noyades considérables sous le régime français, c'est la troisième cause de décès, les noyades sous le régime français, après les guerres iroquoises et la maladie, les grandes maladies. Alors, on ne sait pas nager. Par quoi? Parce qu'on craint que l'eau va nous rentrer par les oreilles ou par les pores de la peau. Alors, même jusqu'en 1850, il y a des conseils qui nous disent, ben non, vous pouvez vous baigner, l'eau n'entre pas par les pores de la peau ni par les oreilles. Et tranquillement, on va commencer à donner des petits conseils, mais les gens se baignent uniquement par nécessité, stricte nécessité. Pour se laver? Pour se laver, absolument, pour se laver. On ne sait pas nager non plus. Dans le peuple, j'entends, on ne se baigne pas régulièrement. C'est quand même une pratique inusitée. Et pour vous donner une idée, ce sont les Anglais qui forment le premier club de natation à Montréal en 1878, à l'île Sainte-Hélène. Ah, ce sera très long, Laurent Turcot, avant que la baignade prenne forme ici. Tout à fait. Ben, en fait, c'est qu'on a peur de la mer, on a peur de ce qu'il y a dedans. Souvenez-vous de ces images qu'on avait à l'époque moderne, vous en avez sûrement vu, où on dessinait sur les cartes des monstres dans les mers. La mer, c'est le territoire du vide, comme l'appelait le grand historien Alain Corbin. Et l'invention de la plage comme telle, comme espace de loisirs, c'est très contemporain. Ouais. Ça date d'il y a peu d'années encore. Et Donald Gill disait au Québec, c'est 1872, le premier club de piscine, on avait des berges, on avait des plages. Les berges du fleuve Saint-Laurent sont tout à fait accessibles à la baignade. Pourquoi ne pas les avoir utilisées? Ben, premièrement, il faut rappeler que le 19e siècle, c'est aussi celui de l'industrialisation massive du Québec. Et les grandes métropoles québécoises et canadiennes vont utiliser ces berges, non pas pour les offrir à leurs urbains, mais plutôt à les offrir aux grands industriels comme espace commercial. Rappelez-vous, dans la ville de Québec ou même dans le Vieux-Montréal, qu'est-ce qui est en plein cœur de la ville à côté des berges? ben ce sont les porcs, automatiquement. Mm-hmm. Et il y a des grands débats encore aujourd'hui pour se dire, est-ce que c'est normal qu'un porc industriel et que des matières dangereuses transitent pour aller vers des espaces touristiques et des espaces de loisirs? Peu à peu, je prends l'exemple de la ville de Québec, peu à peu, on se dit, il faut déraciner le porc pour l'amener plus loin encore, à Beauport, voire même, peut-être, s'en débarrasser. En a-t-on vraiment besoin? C'est sûr qu'on en a besoin. Mm-hmm. On mesure mal l'importance des porcs encore aujourd'hui, mais le 19e siècle va vraiment industrialiser le fleuve Saint-Laurent, industrialiser les rivières. On pense à la Saint-Maurice, à Trois-Rivières, qui est véritablement donnée, pourrait-on dire, aux pâtes et papiers. Et les berges servent uniquement ou presque à l'industrialisation. Ce qui fait que c'est plutôt fin 19e, début 20e, quand la baignade commence à prendre forme ici, c'est plutôt en ville, par les bains publics, par les piscines publiques que ça va se faire. Exactement. Le thème des bains publics, en fait, les premiers bains publics que l'on voit naître, c'est en Angleterre, bizarrement. Bizarrement, mais pas vraiment. Et c'est à Liverpool. Pourquoi? Parce que c'est cette frange de l'Angleterre, cette frange nord de l'Angleterre qui est extrêmement industrialisée. Toutes ces images de la ville noire, de slums carrément, de pauvres qui sont noirs tellement la saleté de la pollution humecte leur peau, eh bien, c'est cette image-là. Et les pouvoirs publics vont se dire, écoutez, il faut avoir une santé publique, il faut que l'hygiène publique prévale et les rivières sont polluées. Comment faire? Ben, développer des bains publics. Si vous voulez regarder l'importance des bains publics au Québec, regardez sur le fronton de certains bâtiments. Oui. Souvent, gravé dans la pierre, vous allez voir bain douche, bain public de Montréal, et ça reste encore. Et on oublie de très beaux édifices. Souvent. Magnifiques édifices, parce qu'on investissait, on se disait, c'est pour la santé de la population, mieux vaut prévenir certaines maladies par l'eau, parce que maintenant, on se rend compte que l'eau permet d'empêcher les maladies par le lavement. Peu à peu, ça va venir Pasteur, ça va venir les grands médecins qui vont justement développer la chose. Mais les pouvoirs publics vont les investir. Mm-hmm. Et ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que dans les logements des ouvriers à Québec, Trois-Rivières, Drummondville, Montréal, eh bien, il n'y a pas d'eau. Comment peut-on offrir à la population un espace pour se laver? Ben, ce sont les bains publics. Oui. Les piscines publiques, il y aura déjà certains commentaires, puis on y reviendra un peu plus tard à l'aspect moral, à la position de l'Église, mais un petit mot quand même, Laurent, parce que quand on développe ces bains publics et ces piscines publiques, il y a des gens que ça indispose quand même. Quand on épluche un peu les journaux, tout ça, là, on voit des commentaires. Ah, complètement. Le premier commentaire qui revient, qui est toujours très drôle, c'est pour indécence publique. Oui. Certains arrivent, le maillot de bain comme tel, là, je vous ai parlé tout à l'heure de cette espèce de maillot qui couvre tout le corps, mais pour certains, on arrive nu avec un peu maillot très, très, très léger, pour ne pas dire qu'il ne couvre rien, et on s'y baigne. Pourquoi? Parce que certains se baignent entre hommes ou entre femmes, ce qui fait qu'on se dit, bon, on n'a pas besoin de cacher les attributs qui pourraient attiser les flammes de l'autre sexe. Ouais. Donc, on se baigne nu. Et là, les journaux vont dire, mais écoutez, c'est affreux. On va même mettre des amendes, juste pour vous donner une idée. Une amende pour indécence publique, c'est 40 $ au début du 20e siècle, sachant que le salaire annuel d'un ouvrier est de 400 $. Donc, c'est une grosse partie de votre salaire qui y passe. C'est comme si aujourd'hui, si vous aviez l'équivalent d'une amende de 10 000 $ pour indécence publique. Ça fait réfléchir. Ouais, ça refroidit les ardeurs. On va dire ça comme ça. Donc, la baignade se développe, bien sûr, en ville. On vient de le voir au 19e siècle, fin 19e, début 20e. Et puis, on va petit à petit, peut-être pas justement dans le cœur des villes à cause de cette industrialisation dont vous nous parliez, mais juste à côté. On va chercher des lieux de plaisance. Ce sera, entre autres, pour les gens de Québec, ce sera juste à côté, mais ce sera l'île d'Orléans, ce cadre champêtre, agricole, où il y a de belles plages. On écoute là-dessus M. Lachance, qui est cultivateur à l'île d'Orléans, parler du phénomène au temps où on venait massivement se baigner à l'île d'Orléans, à l'émission Reflet d'un pays, en 1977. On se plaît, je veux des faits, et l'amour naît. Tout va, c'est l'été, tout parfumé. On va rêver des corps sur la plage, sur le sable. Comme dans le temps, Monsieur Lachance, on se baignait ici. Oh mon Dieu, oui, se baigner nous autres ici, c'est épouvantable. Surtout ici, comme en face, là, où j'ai un banc de sable en bas, là. C'est au bord de la mer en bas. Quand la mer est basse, il y a un beau grand banc de sable qui a quasiment encore 2000 de long ici. Là. Puis, j'ai vu des dimanches ici, il y a 200 personnes sur le banc de sable. C'était des gens de la ville qui venaient? Oui. Ah oui, ils descendaient sur le terrain avec les machines en bas de la boutique, là, puis ils allaient se baigner. La, la, la, la, la, la. La baignade à l'île d'Orléans sur une chanson chantée par Dominique Michel. L'aviez-vous reconnu, la toute jeune Dominique Michel à l'époque? Alors, Laurent, on va se baigner à la campagne de deux manières, des excursions, quelques heures, une journée, et puis carrément le phénomène, et puis c'est beaucoup en périphérie des grandes villes, Montréal et Québec, mais le phénomène des estivants, des gens qui vont débarquer tout l'été à Pointe-Calumet ou je ne sais trop où. Ben oui, tout à fait. À la fin du 19e siècle, et dans la première partie du 20e siècle, c'est l'émergence des grandes vacances. Les syndicats vont militer, mais bec et ongles, pour faire réduire le temps de travail des ouvriers pour leur permettre justement d'avoir un temps de loisir régénérateur. Oui. Parmi lequel il y a la baignade, mais plus encore, la villégiature. Bon, pour certains, comme par exemple à Montréal, qui sont dans le centre-ville, ça va être de prendre le tramway et d'aller à la rivière des Prairies, mm-hmm. qui est juste au nord, pour se baigner. Pour d'autres, avec le développement des grandes liaisons de train, ça va être de descendre sur la côte est américaine, Ogunquit, par exemple, Old Archer, qui sont occupés depuis des années par les Québécois. On va même développer certains grands parcs dans le coin de Rimouski, avec le Bic, où on va y aller. Donc, vous avez une espèce de toile qui oui. commence à se tisser des grandes villes de Québec, de Montréal, où on va, comme vous l'avez dit, développer ces estivants. Ça n'a rien à voir, entendons-nous, avec le développement des grandes vacances à la française. Mm-hmm. La fameuse route nationale 7 que chantait Charles Trenet, où l'on a l'impression que toute la France est en vacances. Ici, on est loin des fameuses deux semaines de vacances imposées par les congés payés en 1936, qui vont devenir un mois, voire six semaines pour certains. Ici, on est encore seulement à deux semaines. Oui. On pourrait même dire qu'on est arriéré, mais c'est un éditorial. Cela étant, le temps de loisir va permettre justement de développer ces grands espaces balnéaires un peu partout pour la villégiature. Certains vont s'acheter des chalets, oui. se développer autour de lacs. Et là, vous avez toute une industrie de la baignade qui s'y adonne et qui s'y accole. Avec elle, les écoles de natation. On se rend compte que c'est fondamental pour les jeunes de savoir nager. Les noyades, à chaque été, sont relevées dans les journaux pour dire « c'est ignoble, comment ça se fait qu'encore aujourd'hui on le fait ?» Eh bien, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on se dit que les écoles de natation doivent être généralisées. D'autres vont même jusqu'à dire que les cours d'éducation physique doivent impliquer l'apprentissage de la nage. Et ça, c'est assez neuf comme manière de réagir. On le sait aujourd'hui, les parents disent toujours « j'apprends à mon enfant à nager », non pas nécessairement pour qu'il ait du plaisir, mais par sécurité. Mm-hmm. Donc, ça devient presque une espèce de politique publique, apprendre à nager aux jeunes du Québec. On parlait de l'aspect de la moralité un peu plus tôt dans l'émission. Je vous propose un petit extrait assez savoureux, merci, parce que justement, ces gens qui quittent la ville pour aller pour gagner les plages autour de la ville, à l'île d'Orléans, à Québec, à Laval, à Sainte-Rose de Laval, dans la région de Montréal, ça va indisposer certains yeux plus prudes, ceux de l'Église, entre autres. Extrait lu par Normand Séguin, extrait d'un sermon du curé de la paroisse de Sainte-Rose à Laval, justement, prononcé en 1936. Ce sermon. On se plaint, la rumeur gronde même. On se plaint, avec raison, que la vie n'est plus possible aux environs des plages, que l'immoralité, la boisson, la danse, le désordre, les cris y règnent jour et nuit. On a absolument raison de se plaindre. La saine population de Sainte-Rose a droit à la paix et à sa réputation, comme toute autre population civilisée. Il est extrêmement regrettable qu'on nous amène de Montréal, de la crapule et de la racaille, pour venir ici salir notre bon renom, gaspiller notre jeunesse, souiller nos yeux de spectacles dégoûtants. C'est assez fort en ketchup. 1936, Laurent Turcot. Oui, mais en entendant l'extrait, je me disais, on se croirait presque en 1750 ou en 1650, après le Concile de Trente. C'est tout à fait l'œuvre de l'Église qui, après la réforme protestante, entend revenir à l'idée de conservatisme et de tradition et que tout ce qu'il y a qui menace le corps et l'esprit du fidèle doit être détourné. Ouais. On ne doit pas en parler, on ne doit pas le faire. Et donc, bien sûr, la baignade, c'est presque le début des relations sexuelles. Pourquoi? Parce qu'on attire le désir par l'œil, le désir par le corps à peine dénudé, les corps bronzés qui se rapprochent, qui s'enlacent dans l'eau, justement. Et dans l'eau, on le dit que... Bon, L'Église avait ce grand thème des spermatozoïdes volants, selon lequel il n'était pas rare que certaines femmes se fassent féconder par des spermatozoïdes volants. Ils le font aussi dans l'eau. Ça, c'est un vieux thème qu'on utilise. Entendons-nous que la biologie a montré aujourd'hui que ça n'existait pas, bien que certains de l'extrême droite américaine y croient encore, mais c'est un autre débat. Mais vous voyez un peu cette idée, justement, de l'immoralité de la baignade. On le rit en l'entendant, mais elle reste encore d'actualité. Et même, certains la poussent un peu plus loin en mêlant religion et hygiène, dans la mesure où on dit que le corps ne doit pas être bronzé. Le corps qui est bronzé, c'est le corps qui est du populaire. En Chine, par exemple, c'est l'émergence du face skinny. C'est-à-dire, c'est que quand on va se baigner, on met cette espèce de masque qui nous recouvre tout le visage pour ne pas avoir cette peau bronzée. On veut ce ton laiteux. Oui. On avance un peu dans le temps, Laurent. Je sais pas si c'est une parenthèse, c'est plus qu'une parenthèse, mais enfin, il y a un moment, c'est quoi, les années probablement 60-70, où on commence à se construire des piscines. Et là, on quitte au fond l'espace public. La baignade devient quelque chose de privé qu'on pratique entre amis, avec la famille. Ben oui, tout à fait. Dans les années 60-70, c'est les grandes émergences des banlieues québécoises, et avec celles-ci, l'individualisation des plaisirs personnel, en l'occurrence la baignade. Comme il est moins hygiénique, pense-t-on, de se baigner dans les piscines publiques, on va attraper des verrues, on peut boire de l'urine parce que les enfants le font, on va se construire des piscines chez soi avec ça, toute une industrie de la piscine. Quand vous allez, vous prenez les autoroutes de Québec et de Montréal et vous sortez des grandes villes, qu'est-ce que vous voyez? La première chose, c'est des vendeurs de piscines et ils disent, et d'ailleurs quand vous arrivez en avion, ça c'est hallucinant, moi je me souvenais, quand on arrivait de Paris vers Québec, le nombre de piscines de petits ronds bleus qui pointaient en dessous de l'aéroport de Québec, c'était hallucinant. Et les Français disaient, mais qu'est-ce que vous avez à avoir autant de piscines? Ben, c'est justement ce plaisir du confort à l'américaine. Se baigner chez soi le plus vite possible et sans avoir à avoir les autres qui sont près de nous dans un contact immoral, pourrait-on dire. Et je disais parenthèse avec un point d'interrogation, mais le sens de cette possible parenthèse, c'est est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'on sort pas un peu de ça pour revenir, au fond, à la baignade collective? C'est le grand thème. Regardez, par exemple, à Québec, la rivière Saint-Charles qui était bétonnée, on l'a débétonnée pour redonner les berges aux gens. Et peu à peu, le fleuve Saint-Laurent, à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, on se dit, ben, c'est un espace de baignade. Pourquoi ne pas refaire du fleuve Saint-Laurent un espace de baignade? Le thème est pas neuf. En France, c'est la même chose. Paris-Plage, redonner la Seine aux Parisiens, redonner une piscine à même la Seine. Et on l'attend, celle de la piscine de Montréal qui va être à même le Saint-Laurent. Dorénavant, l'industrie n'a plus à voir notre grand fleuve qui est le fleuve Saint-Laurent, mais c'est aux estivants et à ceux qui veulent s'y baigner. On est dans la phase de ce qu'on appelle en histoire la désindustrialisation des rivières. Et le fleuve Saint-Laurent en fait partie. Mais entendons-nous, ça ne va pas être du jour au lendemain parce que c'est un axe déterminant pour accéder au Grand Lac. Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci, Laurent. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.